Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Dixième épisode. Pip va bientôt atteindre l'âge de la majorité et compte bien découvrir à cette occasion le nom de son bienfaiteur, qu'il croit toujours être Mademoiselle Havisham. Il espère alors pouvoir épouser Estella. Son ami Herbert a pourtant essayé de le mettre en garde. Mademoiselle Havisham utilise Estella comme une arme pour se venger des hommes. Comme l'avait prédit Herbert, j'arrivais à ma majorité sans m'en apercevoir. La veille, j'avais reçu une note officielle de Wemmick me proposant un rendez-vous à 17h en ce jour propice. Nous étions en novembre et Jaggers se tenait adossé à la cheminée, les mains sous les basques de son habit. Mes félicitations, Monsieur Pip. Merci, Monsieur Jaggers. Asseyez-vous, Monsieur Pip. J'ai un ou deux mots à vous dire, mon jeune ami. Je vous écoute, monsieur. À combien estimez-vous votre train de vie actuel ? Mon train de vie, monsieur ? Oui, à combien ? Malheureusement, je me vois incapable de vous répondre précisément, monsieur. Ah, j'en étais sûr. Maintenant, posez-moi une question. Vais-je apprendre aujourd'hui le nom de mon bienfaiteur ? Non, une autre. Me sera-t-il bientôt révélé ? Je vous prie de sursoir pour le moment, une autre. Dois-je recevoir quelque chose, monsieur ? Je savais qu'on y arriverait. Oui, Mick ! Oui, monsieur ! Apportez-moi le document. Monsieur Pip, vous avez très librement usé de votre crédit dans cette maison. Le livre de compte de Wemmick en atteste. Et vous vous êtes endetté, j'imagine. Je crains de devoir reconnaître que oui. Tenez. Merci, Wemmick. Je vous en prie. Vous êtes obligé de le reconnaître, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Maintenant, prenez ce rouleau de papier. Vous l'avez bien en main ? Très bien. Ouvrez-le et dites-moi ce que c'est. C'est une note de crédit bancaire de 500 livres. C'est cela, une note bancaire de 500 livres. Ce qui représente, me semble-t-il, une bien belle somme. Eh bien, elle est à vous. Vous recevrez la même somme chaque année. Wemmick vous remettra 125 livres chaque trimestre, jusqu'au jour où vous aurez affaire directement à votre bienfaiteur et non plus à son exécutant. J'obéis aux instructions sans les approuver, mais je ne suis pas payé pour donner mon avis. Je suis en tout cas infiniment reconnaissant à mon bienfaiteur. Je ne suis pas payé pour transmettre vos messages à qui que ce soit. J'ai une dernière question. Allez-y. Mon bienfaiteur envisage-t-il de venir bientôt à Londres ou de me faire aller quelque part ? Que vous ai-je dit lors de notre première rencontre, Pip ? Qu'il pourrait s'écouler des années avant que cette personne n'apparaisse. Précisément. C'est ma réponse. Quand cette personne se dévoilera, vous réglerez ensemble ce qui vous concerne et je ne m'occuperai plus de rien. Voilà tout ce que j'ai à dire. Dans ce cas, monsieur, je n'ai rien à ajouter. Je vais aller saluer monsieur Wemmick. Monsieur Wemmick, j'aimerais vous demander conseil. J'ai un ami dont le projet commercial connaît des débuts difficiles et décourageants. J'aimerais les lui faciliter. Par une mise de fonds ? Par une petite mise de fonds. Petite. Et peut-être en anticipant un peu sur mes espérances. Monsieur Pip, j'aimerais simplement compter sur mes doigts avec vous les noms de tous les ponts d'ici à Chelsea. Voyons, il y a le pont de Londres, 1. Southwark, 2. Blackfriars, 3. Waterloo, 4. Westminster, 5. Vauxhall, 6. Je ne comprends pas. Choisissez un pont, monsieur Pip. Marchez jusqu'au milieu et jetez votre argent dans la Tamise à hauteur de l'Arche centrale où il est sûr de disparaître. Donnez cet argent à un ami et votre investissement a toutes les chances de disparaître de la même façon. Vous êtes très décourageant. C'était le but. Alors, selon vous, un homme ne devrait jamais... aider... Investir un bien portatif chez un ami, jamais. Et c'est là votre opinion mûrement réfléchie ? Dans ce bureau, certainement. C'est qu'elle serait différente à Walworth. Attendez-vous donc à ma visite très bientôt. Monsieur Pip, vous y serez le bienvenu en ma capacité privée et personnelle. Bon, je dois y aller. Dès le dimanche suivant, je sonnais au portail du minuscule château fort de Wemmick. Voulez-vous faire le tour de la propriété avec moi? Elle est très changée en hiver. Avec plaisir. Venez. Et j'en profiterai volontiers pour prendre votre avis sur une affaire qui me tient à cœur. J'ai une grande affection pour mon ami Herbert Pocket. Il serait sans doute mieux avancé aujourd'hui si je n'étais pas intervenu dans sa vie avec mes espérances. La question est, comment lui venir en aide? J'ai pensé à une petite pension annuelle d'une centaine de livres qui affermirait son courage et sa confiance, et à lui acheter progressivement des parts dans une affaire de taille raisonnable. Il faudrait qu'Herbert n'ait pas le moindre soupçon de mon rôle dans tout cela. Je n'ai personne d'autre que vous à qui me confier, mais je suis conscient que cela peut vous mettre dans l'embarras. C'est votre faute aussi. Il ne fallait pas me faire connaître Walworth. Vous savez, monsieur Pip, il faut que je vous dise une chose. C'est rudement bien de votre part. Je vais enfiler mon bonnet de réflexion et me mettre au travail pour vous. Je vous remercie 10 000 fois. Oh non, c'est moi qui vous remercie. Les toiles d'araignée de Newgate me suivent jusqu'ici. Vous venez de les balayer. Si la maison de Richmond où demeurait Estella devait un jour être hantée, ce serait par mon fantôme. J'y souffris tous les degrés de torture qu'Estella, qui avait d'innombrables soupirants, sut inventer. On organisait des pique-niques, des fêtes, des opéras, des représentations, des concerts, pendant lesquels je poursuivais Estella de mes assiduités, n'y trouvant que chagrin. Pourtant, l'idée de la garder à mes côtés jusqu'à la mort m'obsédait. Pip, Pip, il ne sert donc à rien de vous mettre en garde? Contre quoi? Contre moi. Contre mon attirance pour vous, en d'autres termes. En d'autres termes, si vous ne savez pas ce que je veux dire, vous êtes aveugle. En tout cas, cette fois, il n'est pas question de me mettre en garde, puisque c'est vous qui m'avez invité à venir. C'est vrai. Le moment est venu où Mademoiselle Avisham souhaite que j'aille passer une journée avec elle. Pouvez-vous m'y emmener? Si je peux vous emmener. Estella. C'est donc entendu. Rien n'avait changé chez Mademoiselle Avisham, qui se montra encore plus horriblement affectueuse avec Estella que la dernière fois. C'est au cours de cette visite que je vis pour la première fois les deux femmes dressées l'une contre l'autre. Nous étions assis auprès du feu, Mademoiselle Avisham, le bras passé sous celui d'Estella, lui serrait la main fort, avec cette passion farouche qu'Estella semblait tolérer plus qu'accepter. Estella dégagea son bras. Quoi? Tu en as assez de moi, c'est ça? De moi-même, plutôt. Dis la vérité, ingrate. Tu en as assez de moi. Tu es froide, un cœur de pierre. Quoi? Vous me reprochez d'être froide? Vous? Je me trompe, peut-être. C'est vous qui savez, c'est vous qui m'avez faite. Prenez-moi comme je suis. Ah, regardez-la, si ingrate. Mes plaies saignaient encore quand je les serrais contre ma pauvre poitrine blessée. Sans que je n'aie pris aucune part au contrat qui fut conclu, alors que je savais à peine marcher. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Vous avez été très bonne pour moi, je vous dois tout. Mais qu'attendez-vous de moi? Ton affection. Elle vous est acquise. Je sais bien que non. Si vous espérez de ma part ce que vous ne m'avez jamais donné, à l'impossible, ni mon devoir ni ma gratitude ne sont tenus. Tellement fière, tellement fière. Qui m'a appris à l'être? Qui m'a félicité d'être si bonne élève? Tellement dur, tellement dur. Qui m'a appris à l'être? Qui m'a félicité d'être si bonne élève? Mais pas avec moi, fière et dure, Estella. Mais pas avec moi. Il faut me prendre comme vous m'avez faite. Ce n'est pas ma réussite. Ce n'est pas mon échec. La dispute dont j'avais été témoin ne se renouvela jamais. Pendant aucune des 4 visites que nous rendîmes à Mademoiselle Avisham dans les temps qui suivirent. Les manières de cette dernière restèrent inchangées, si ce n'est qu'il s'y ajoutait quelque chose comme de la peur. Sur une proposition de start-up, Herbert et moi étions devenus membres d'un club qui s'appelait les Pinsons du Bocage. La règle était de se réunir tous les 15 jours pour un dîner coûteux, à l'issue duquel on entrait dans des discussions virulentes. Ce soir-là, c'était au tour de Bentley Drummel de porter un toast en l'honneur d'une dame. Je crus voir son regard malveillant s'attarder un moment sur moi. Mais comme notre antipathie spontanée était mutuelle, je ne m'en étonnais pas. Ah, Estella. Très joli. Estella qui ? Cela ne vous regarde pas ? Estella d'où ? Cela, les règles vous obligent à le dévoiler. Il a raison. De Richmond, mes amis. Une beauté sans égale. Il le fait exprès pour te marier. C'est une impudence sans pareil que l'honorable Pinson lève son verre en l'honneur d'une dame qu'il n'a jamais rencontrée. Que voulez-vous insinuer ? Vous savez où me trouver ! Attention. S'il vous plaît, messieurs, pour l'honneur de notre société, je propose une issue à ce débat avant qu'il ne devienne sanglant. Monsieur Drummel, vous engagez-vous à fournir dès demain une attestation de la main de cette dame, certifiant qu'elle vous connaît, et réciproquement. Dès demain ? Sans difficulté. Auquel cas, Monsieur Pip, en sa qualité de gentleman, sera tenu de présenter ses excuses et de retirer sa proposition d'être où l'on pourrait le trouver. Dès le lendemain, Drummel produisit un petit billet de la main d'Estella, avouant qu'elle avait eu l'honneur de lui accorder quelques danses. Je n'eus aucun mal après cela à découvrir qu'il lui faisait une cour assidue. L'araignée, comme l'avait nommé M. Jaggers, se tenait en embuscade, l'œil obstinément fixé sur Estella, dévidant son fil pour se laisser tomber pile au bon moment. Je profitais de la fin d'un bal où j'avais escorté Estella pour avoir une explication avec elle. Vous êtes fatiguée, Estella ? Plutôt, oui. Avec les meilleures raisons de l'être ? Les plus mauvaises, vous voulez dire ? Estella, regardez donc ce garçon dans son coin là-bas. Pourquoi le regarder ? Qu'a-t-il de remarquable ? C'est bien la question que je voulais vous poser. Il vous a tourné autour toute la soirée. Toutes sortes de créatures horribles tournent autour d'une bougie allumée. Est-ce la faute de la bougie ? Non. Mais une Estella pourrait peut-être les en empêcher. Eh bien, peut-être, oui. Si cela peut vous faire plaisir. Mais Estella, sérieusement, je suis anéanti de vous voir encourager un homme comme Drummel que tout le monde méprise. Vous savez qu'on le méprise. Eh bien. Vous savez que c'est un imbécile sans envergure. Hargneux, sournois, disgracieux au dedans comme au dehors. Eh bien. Vous savez que son unique distinction est d'avoir de l'argent et un paquet d'ancêtres à la tête creuse ? Eh bien ? Je ne supporte pas qu'on dise de vous que vous gaspillez vos charmes et vos douceurs pour un lourdeau indigne. Moi, si. Ne soyez pas si fière et inflexible. Je vous ai vu lui accorder des regards et des sourires comme je n'en obtiens jamais de vous. C'est donc ce que vous souhaitez ? Être ma dupe et ma victime ? C'est ce qu'il est. Votre dupe et votre victime ? Oui, comme tant d'autres. Tous sauf vous. Je n'avais pas deviné que le destin aiguisait sa hache au fil des années. Quand le coup tomba, ma forteresse s'effondra. Herbert et moi avions déménagé dans le quartier du Temple. Mon ami se trouvait à Marseille. Il faisait un temps épouvantable à Londres, orageux et humide, de la boue plein les rues. Inépuisable, un vent d'est soufflait nuages et tempêtes. Un soir, alors que je lisais au coin du feu, triste et morose, et que les horloges des églises de la cité sonnaient 11 heures, j'entendis de lourds pas résonner dans l'escalier. Je ne pus m'empêcher de sursauter. Me rappelant que les lampes de l'escalier avaient été soufflées par le vent, je pris ma lampe de bureau et sortis sur le palier. Y a quelqu'un ? Oui. Vous allez à quel étage ? Tout en haut, monsieur Pip. Je suis monsieur Pip. Y a rien de grave ? Non, rien de grave. Monsieur. Ah, mon garçon. Enfin, nous voilà. Pardon, monsieur, mais je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous me voulez. Ah, ouais, ce que je veux. Comment... Pas sûr que ça fait un sacré bail. Pour moi surtout, quoi. Comme quoi, j'attendais le moment et en plus que ça fait un bail, ça fait loin d'où que j'arrive. Mais comment tu pourrais le savoir? Je vais pas te jeter la pierre. Ni à moi, ni à personne. Enfin, laisse-moi m'asseoir et donne-moi une minute. Après, je te raconte l'affaire. Il y a quelqu'un ici ou t'es tout seul? Comment un inconnu ose-t-il faire irruption chez moi au milieu de la nuit et me poser pareille question? Ah, t'as du cran, je peux pas dire. Et ça me fait plaisir que t'aies toujours du cran à ton âge. Mais n'essaye pas de me sauter dessus. Tu le regretterais. Ah, je vois comment tu me regardes. Ça te revient doucement, hein? Le cimetière et tout ça. La lime et le pâté en croûte et les pontons. T'as été noble, mon garçon. C'est le mot, noble. Et j'ai jamais oublié. Dans mes bras, que je t'embrasse. Stop, n'allez pas plus loin. Je ne sais pas comment vous m'avez trouvé, mais c'est un bon sentiment qui vous a amené ici, et je ne vais pas vous mettre à la porte, seulement... Vous devez comprendre, j'en suis sûr. Que... Tu disais que je devais comprendre, t'en es sûr. Qu'est-ce que t'es sûr ? Je dois comprendre. Que je ne peux pas renouer avec une rencontre de hasard qui remonte à si longtemps. Nos chemins ont trop divergé. Vous êtes tout mouillé. Vous avez l'air fatigué. Vous voulez boire quelque chose avant de partir ? Oui, je te remercie. Je veux bien boire quelque chose avant de partir. Pleurer. J'espère que vous ne trouvez pas mes mots trop durs, et si c'est le cas, je le regrette. Je ne vous veux que du bien. Et... comment vivez-vous aujourd'hui ? J'ai été fermier, éleveur de bestiaux. Et encore quantité de choses dans le Nouveau Monde. À des milliers de kilomètres de tempête d'ici. Et j'ai réussi quelque chose d'extraordinaire. Et ma réussite est même devenue célèbre. Je suis content de l'apprendre. Ah ouais, j'espère que tu changeras pas d'avis. Est-ce que je peux me permettre de te demander comment t'as fait ton chemin depuis les marais solitaires où ça caillait dur? J'ai été choisi comme bénéficiaire d'un héritage important. Je suis qu'une pauvre vermine, mais important comment? Et hérité de qui? Je n'en sais rien. Et ton revenu, il commencerait pas par le chiffre 5? Et ton tuteur, ce serait-il pas un avocat avec un nom qui commence par un J? Comment tu disais? Comment je t'ai trouvé? Eh ben, j'ai écrit à quelqu'un d'ici. Et ce quelqu'un, eh ben, c'est Wabik. Mais dis donc, tu vas pas tourner de l'œil à cette heure. Viens là. Et tiens, bois un coup de rhum. C'était Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation Sylvie Granotier. 10e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Dominique Raymond, Mélissa Barbeau, Philippe Magnan, Brice Hilleré, Philippe Bautier, Marc Barbet, Maxime Dambrun, Jérémy Lewin, Antoine Joly, Valérie Moinet. Et les voix de Quentin Barbossa, Bastien Chevreau, Amandine Gay, Manika Auxir, Claire Boiniche, Louise-Aurie Diquero, Antonin Chalon, Clément Barthelet, Gabriel Acrement, Paul Toucan, Lorenzo Lefebvre. Guitare, Hugo Cuchel. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.